Posé au check, faut que les six la ramènent. Les traits, je leur fais un signe de la main. Tu veux faire la hyène, ce soir c'est la mienne. Les petits forment des gangs braques à l'italienne. Menti tout le monde, t'es alien. La gadi sans bon, elle a mis alien. Ouais, c'est comme ça, je fais des sons calientes. Tu veux si, tu veux ça, y'a niente. Ouais, c'est comme ça, je fais des sons calientes. Tu veux si, tu veux ça, y'a niente. Ah, c'est comme ça, tu me pètes mon briquet. Je te nique, moi et moi, va trafiquer. Tu m'insultes, tu me grattes des tickets. T'écoutes, je paye tout, ça y est, t'es piqué. Ah bon, c'est comme ça. Petit, t'en as marre du bloc. J'vois que t'es l'ossa qui s'alouse quand t'es dans le top. T'en perds tes poches, t'en perds tes potes, t'en perds tes repères. Le temps se compte, tant pis et moi, il est temps d'être fait. Elle a l'air pensive, elle aime courir derrière les hommes sales. Elle veut le boss. Ah ouais? Mon égo c'est comme ça. Elle recherche la Benz, Benz, Benz. Mon égo c'est comme ça. Ah c'est comme ça, j'ai bu deux verres, tu te prends pour la cosa, la cosa, la cosa. On te connaît, t'as pas un verre à skip, t'as fait casquette en boîte prosa. Ah c'est comme ça, y'a rien à faire, un moto, un poteau, en zone et en zone. J'étais en toit, ils voulaient me guiller, l'équipe, puis j'suis parti en zone ou en zone. La journée s'est passée, personne s'est fait péter, tu là dans le bloc, fais les comptes. Wesh fils de, t'as plus perdu, non crois pas que tu nous as cassé les corps. Ah c'est comme ça, que tu me trucs. Ah c'est comme ça, tu fais le gros. Ah c'est comme ça, il t'a baisé. Ah c'est comme ça, tu veux pas rouler. Ah c'est comme ça, tu m'as oublié. Ah c'est comme ça, tu parles de moi. Ah c'est comme ça, tu penses qu'à toi. Ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Je lui mettre une drogue. Elle se met en bombe quand je la piste dans la peau. Ouh, mamacita, tu fais trembler mes acolytes. Ouh, ouais, c'est comme ça, sans de plus à mettre en rite. Et c'est comme ça, les gros me fait pas le go. Je te paye ta taille, le lendemain tu me donnes le go. Ah c'est comme ça, une cartouche de plus dans ta gario. Tu veux pas l'avouer mais t'as déjà validé. Mais oui que le barrio s'en jaille. Pendant que tu chaînes dans ton coin. Au quartier ça fume la merde, en haut sur le toit avec lui sur la mer. Lui sur la mer, ça sort le cross-volé à une main. Sur le bitume, y'a rien à faire, ça va taper la bijou. Tri d'à côté, ah c'est comme ça. T'as plus aimé, tu poses des tailles. Mademoiselle t'as trouvé mentale. T'as plus aimé, tu poses des tailles. Mademoiselle t'as trouvé mentale. Ah c'est comme ça, que tu me trucs. Ah c'est comme ça, tu fais le gros. Ah c'est comme ça, il t'a baisé. Ah c'est comme ça, tu veux pas rouler. Ah c'est comme ça, tu m'as oublié. Ah c'est comme ça, tu parles de moi. Ah c'est comme ça, tu penses qu'à toi. Ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Pense pas à moi, tu fais plus la bise. Ah c'est comme ça. J'ai le bouton, tu fais des persos. Ah c'est comme ça. Voulu faire mal à mes corazones. Ah c'est comme ça. J'ai fait une bonne idée, pas tourner le crawl. Ah, c'est comme ça.